Il y avait un Genevois nommé M. Bagueret, lequel avait été employé sous Pierre le Grand à la cour de Russie. Un des plus vilains hommes et des plus grands fous que j'ai jamais vus. Toujours plein de projets, aussi fou que lui, qui faisait tomber les millions comme la pluie et à qui les zéros ne coûtaient rien. Cet homme, étant venu à Chambéry pour quelques procès au Sénat, s'empara de maman comme de raison, et pour ses trésors de zéros qu'il lui prodiguait généreusement, lui tirait ses pauvres écus pièce à pièce. Je ne l'aimais point, il le voyait. Avec moi, cela n'est pas difficile. Il n'y avait sorte de bassesse qu'il n'employa pour me cajoler. Il s'avisa de me proposer d'apprendre les échecs, qu'il jouait un peu. J'essayai presque malgré moi, et après avoir tant bien que mal appris la marche, mon progrès fut si rapide qu'avant la fin de la première séance, je lui donnai la tour qu'il m'avait donnée en commençant. Il ne m'en fallut pas davantage. Me voilà forcené des échecs. J'achète un échiquier, j'achète le calabret, je m'enferme dans ma chambre, j'y passe les jours et les nuits à vouloir apprendre par cœur toutes les parties, à les fourrer dans ma tête bon gré mal gré, à jouer seul, sans relâche et sans fin. Après 2 ou 3 mois de ce beau travail et d'efforts inimaginables, je vais au café, maigre, jaune et presque hébété. Je m'essaie. Je rejoue avec M. Bagueret. Il me bat 1 fois, 2 fois, 20 fois. Tant de combinaisons s'étaient brouillées dans ma tête et mon imagination s'était si bien amortie que je ne voyais plus qu'un nuage devant moi. Toutes les fois qu'avec le livre de Philidor ou celui d'Estama, j'ai voulu m'exercer à étudier des parties, la même chose m'est arrivée. Et, après m'être épuisé de fatigue, je me suis trouvé plus faible qu'auparavant. Du reste, que j'ai abandonné les échecs, ou qu'en jouant, je me sois remis en haleine, je n'ai jamais avancé d'un cran depuis cette première séance, et je me suis toujours retrouvé au même point où j'étais en la finissant. Je m'exercerai des milliers de siècles, que je finirai par pouvoir donner la tour à Bagueret et rien de plus. Voilà du temps bien employé, direz-vous. Et je n'y en ai pas employé peu. Je ne finis ce premier essai que j'en ai plus la force de continuer. Quand j'allais me montrer, sortant de ma chambre, j'avais l'air d'un déterré, et, suivant le même train, je n'aurais pas resté déterré longtemps. On conviendra qu'il est difficile, et surtout, dans l'ardeur de la jeunesse, qu'une pareille tête laisse toujours le corps en santé.